Elle me disait toujours la même chose. Quand moi je boudais dans mon coin, que souvent les petits poissons roses, ce qui est suffisant pour être bien. Depuis je me force à sourire quand j'ai le cafard, envie de mourir, comme elle dit penser à autre chose. Comme au petit poisson rose. Que le monde est joli comme la vie. J'essayais d'arracher ma laisse pour frétiller comme un cabri. Depuis je me force à sourire quand j'ai le cafard, envie de mourir, comme elle dit penser à autre chose. Comme au petit poisson rose. Faut pas me la faire à l'envers, je ne vais pas faire machine arrière, et ne compte surtout pas sur moi. Pour sécher tes gouttes, celles qui me goûtent, qui me rappellent ma vie. Pour sécher tes gouttes.